L'équipage du navire bâton-pavillon de Taipei de Chine Changhong-un a organisé le 3 octobre au port de Nampo une célébration à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Il a déposé des bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il dans la ville de Nampo et rendu hommage. Après des discours, on a adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.